roi 1416. Une émission de Pierre Dac. Messieurs, permettez-moi de vous poser une ventouse. Ah, ben, non, excusez-moi, excusez-moi. Non. Une question. Ah, bon, oui, j'aime autant ça. Ouais, bon. Vous croyez que ça va durer longtemps comme ça? Pourquoi, patron? Il y a quelque chose qui va pas, patron? Oh, quelqu'un vous a fait de la peine, patron? Parce que vous n'avez rien remarqué, vous, non? Bah. Vous n'avez pas remarqué que toutes les semaines, il y a quelque chose à remarquer dans ce studio? Vous n'avez pas remarqué que le studio est encombré de tables et de chaises? Ah, bah, tiens, oui, c'est vrai, ça. Oh, puis sur les murs, il y a des drôles de machins, comme si quelqu'un avait écrit au pinceau. Et puis le micro, il est laqué. Ah, moi j'avais remarqué ça aussi. Puis j'ai remarqué que à la porte aussi, le loquet est laqué. Et l'odeur, ça sent nettement le graillon, hein. Ah non, ça sent plutôt le brûlé, là. Oui, mais enfin, franchement, à part ça, il n'y a rien de changé, quoi. Alors ça vous semble normal qu'on ait écrit de drôles de machins au pinceau sur les murs, qu'on ait laqué le loquet et le micro, qu'on ait mis des tables et des chaises partout? Et que ça sente le graillon brûlé? Bah, à dire vrai, moi, je... Ah, si, j'étais pas là pour veiller au grain. Oh, regardez là, sous la table, un plat de couscous, eh. Hé, hey, polyvalent. Oui, mon bon patron, oui. Courez immédiatement à la direction, demander ce que fait un plat de couscous dans mon émission. J'y cours, patron, j'y cours. Attendez, il y a un gars qui porte le plat de couscous. Ah, bah, c'est peut-être un directeur. Je crois pas. Il a quatre pattes, c'est un chinois. Oui, bon, ça va, allez, on s'en occupera plus tard. N'oubliez pas que nous avons une émission à faire. Bah oui, mais le couscous, patron. Oui, bah, quoi, il va refroidir. Ouais, bah, qu'il refroidisse. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, le pompier? Service incendie, monsieur. Vous savez, il y a un studio qui a brûlé. Maintenant, on vérifie. Quoi. Ça flambe facilement. Vous savez. Ouais. Vous avez un briquet, là? Ouais, tenez. Il est fou, mon texte. Vous voyez, j'éteins ça facilement. Seulement, à la moindre alerte, vous me prévenez. Ouais, d'accord. Notre tribune, n'hésitant pas à s'attaquer courageusement aux problèmes les plus difficiles et les plus délicats, nous traiterons cette semaine du sujet de l'éducation sexuelle. Oui. Autour de moi sont réunis M. l'abbé Paulmurge. Murge. M comme mouillette. Murge. Monsieur l'abbé Paulmurge. M. Gédéon Burnemauve. 42 ans. Un machiniste à la RATP. M. Raphaël Fauderche, père de famille nombreuse. Oui. Et enfin, mademoiselle Lulu Marlène. Pensez-vous, mademoiselle, messieurs, qu'il soit souhaitable de commencer très tôt l'éducation sexuelle des enfants? Voyons, mademoiselle Lulu Marlène, vous avez la parole. Oh, moi, je suis drôlement pour. Faut que les gens y soient instruits le plus tôt possible. Oui, si vous permettez, ça me rappelle une histoire. Marius a acheté un perroquet pour sa femme, et alors Olive... Oui, plus tard, monsieur. Je voulais vous dire quelque chose, il y a erreur, on m'a dit que c'était une tribune où on causera les problèmes de la circulation, moi je suis pas venu pour parler de ça. Merci, oui, d'accord. Monsieur Burnemauve, merci. Et qu'en pense monsieur Fauderche, père de famille nombreuse? Eh bien, n'est-ce pas, il faut tout dire aux enfants, il faut les préparer pour la vie, ces petits foins de ridicule pudibonderie. Oui, bien sûr. Il faut expliquer les faits d'une façon claire, pas sans dérobade. Il faut appeler les choses par leur nom, il ne faut pas avoir honte. Mais absolument, voilà qui est très intéressant. Monsieur Fauderche, très intéressant, qui sera certainement très utile aux parents qui nous écoutent. Oui. Voyons, comment faut-il parler aux enfants? Que faut-il dire exactement? Tout. Vous êtes un fameux dégoûtant. Je vous en prie, monsieur Burnemauve. Alors, voyons, chacun parlera à son tour. Pouvez-vous préciser votre pensée, monsieur Fauderche? C'est-à-dire, il faut tout leur dire, vous savez... Mais n'ayez pas peur des mots, vous comprenez, en prie. Vous comprenez, il faut pas se dégonfler, voilà. Faut pas être gêné. Ben oh, moi je suis avec M. Fauderche. Oh, il est bien ce gars-là. Non, mais écoutez-moi, c'est comme dans mon histoire, oui, Marius... Oui, chacun son tour, Monsieur l'abbé Paulmurge, vous êtes très aimable. Murge, oui, Paulmurge, oui. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose à la courageuse prise de position de M. Fauderche? Monsieur Burnemauve. Oui, moi je voudrais parler à mon fils, Toto. Si t'écoutes la TSF à la maison, je te conseille de tourner le bouton, parce que sinon, tu vas faire connaissance avec le bout de ma bottine ce soir. Tu recevras ta paire de bof, comme tous les jours. Compris, Toto? Bon. Voilà. Bon, et maintenant, nous allons essayer de tirer les conclusions de notre débat. Mademoiselle Lulu Marlène. Monsieur Fauderche. nos deux amis nous ayant quittés, monsieur l'abbé Paudemur va se faire un plaisir de nous déclarer... Comme je disais, Marius paraît que son perroquet et Olive... Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Monsieur Burnemauve. Oui. Et moi, je dis qu'il faut interdire la circulation des voitures particulières dans le centre pendant les heures ouvrables. S'il n'y avait plus de voitures à la fourrière, il y aurait moins d'embouteillage. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier de nous avoir aidés à jeter un peu de lumière sur un sujet... disons-le, aussi grave. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour... Dites-moi... Oui. Et Olive lui dit... Oui. Mais je le connais, oui, ce perroquet. Oui, monsieur l'abbé Paudemur. C'est celui... Oui. D'accord. Vous avez compris ? Oui, bien sûr. Bon, ça va. Dites donc, le chinois, là, jusqu'à la semaine dernière, ce local servait de studio. Et jusqu'à nouvel ordre, nous sommes dans la maison de l'ORTF. Alors. Ah, c'est là où est l'erreur, honorable seigneur. Là, j'ai fait acheter ce terrain il y a bien des années pour installer un restaurant chinois. Pendant ce temps, l'ORTF a construit une maison sur mon terrain. C'est fou qu'il y ait chez moi. Mmh. Ah, en attendant que les avocats règlent l'affaire, la direction m'a alloué le studio le moins utile pour en faire mon restaurant. Oh, c'est incroyable! Ouais, un restaurant chinois où on sert du couscous. J'aime bien préparer tes plats exotiques, mais ça n'est pas la spécialité de la maison, bien sûr. Bah, c'est quoi la spécialité de la maison? La choucroute. Mmh. Bon, maintenant, je vous demande pardon. Je dois m'occuper de mes honorables clients. Hein. Boum, voilà! C'est le service incendie. Encore un autre pompier. Alors, qu'est-ce que voulez-vous? Mais il n'y a pas le feu chez vous, nulle part. Non, ça marche. Il n'y a rien. Il n'y a pas le feu, non? Bon. Non. Vous êtes sûr? Oui, bah, oui, on vérifie, bien sûr. On nous l'a dit tout à l'heure. Je regarde, vous enlevez vos semelles, que je vois. Oui. Bon, ça va, il n'y a pas de flamme. Bon, c'est des semelles anglaises. Oui. Bon, et qu'est-ce que vous avez, vous? Quoi, où? Et on vous entend plus, là. Ah oui, parce que c'est moi qui ai éteint le feu, là, dans le studio la semaine dernière. Ah ouais, alors? J'ai tourné l'extincteur vers moi, puis j'ai une extinction de voix, même. Ah ouais. C'est une bricole, quoi. Ouais, bon, merci. Eh bien maintenant, sans vouloir être vulgaire, il va falloir se le farcir. Oui. Votre éditorial. Ah, mon éditorial, oui. Il va falloir se l'appuyer. Eh bien, on va se l'appuyer. Allez-y, patron. Oui, merci. Allez, courage. Oui, ça va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excellences, monsieur le président, Monseigneur, mon général, ma sœur. Rémy de Gourmont, dans son célèbre essai sur le tir pavé considéré comme pierre angulaire du style et de l'esthétique, a écrit « L'homme qui, de temps à autre, ne cherche pas à s'évader du souci quotidien consécutif aux problèmes journaliers est comparable à l'individu qui, à force de manger des crêpes, finit par avoir l'estomac en deuil. » Il a dit ça, Rémy de Gourmont ? Ouais. Il va en avoir un bon coup dans les carreaux. Oh, ça va, mon vieux, ça va. Allons. Beurré comme une biscotte. Ah, ça va, allez. Bon, ce noble propos m'incite tout naturellement à estimer que, pour nous détendre et nous relaxer, il est indispensable de porter notre esprit à s'occuper d'autres choses que de celles qui nous préoccupent à longueur de semaine et à largeur d'épaule. En bref, le primordial, c'est dans le pas au secondaire. Et le secondaire qui devient primordial, et le primordial qui se trouve relégué à la place de celui qui vient de prendre la sienne. En conclusion, le jour où les peuples auront enfin compris qu'ils doivent se désintéresser des problèmes de la nourriture, du logement, des finances, de l'impôt, des salaires, des élections, de la politique intérieure et internationale, pour parler et s'occuper d'autre chose, l'humanité aura fait un grand pas en avant, en direction de la sagesse infinie et infuse, et de la santé morale, dont elle a tant besoin. Vive la France, vive la République et vive le lac de Genève. Prêt? Bonjour, monsieur. Encore un pompier. Monsieur pompier, je présente monsieur Poneuil. Ah. Monsieur le pompier Poneuil. Ah, le pompier Poneuil, oui, alors. Il n'y a pas de feu chez vous, monsieur? Non, ça va, non. Ça va. Ça va, oui. C'est dommage, hein? Oui. Parce que dès qu'il y a le feu, je me lance. Oui. Et voici maintenant la critique radiophonique de Frédéric Ringard. Quoi ? On est obligé de penser à Frédéric Ringard ? Demande au patron. Le patron a reçu la note, oui. Il ne peut rien imposer. Oh, alors, non, bah, ça va être joyeux, alors. Allez, Pépé, allez. Je m'assois. Oui, ouais, je m'assois. Je m'assois. Le pauvre est gâteux. Après, je vous sorte mes papiers. Allez-y, vous avez vos lunettes, Frédéric, là. C'est un scandale, c'est une honte. Oser imposer aux auditeurs une ignominie pareille. C'est bien vrai. Je parle de cette émission immonde que nous avons attendue hier, ou avant-hier, mais gâteux, hein. Ou la semaine dernière, enfin, une émission qui est passée à 10h du soir ou à 9h du matin, je ne me souviens plus, à moins que ça soit dans l'après-midi, midi plutôt, ou bien à l'heure du dîner, enfin. Ça fait rien, Pépé. Enchaînez, mon petit. Toujours est-il qu'elle était mauvaise, et mauvaise, je n'ai pas peur de le dire. Oui. Pas plus que je n'ai peur de citer le nom du responsable, le nom de l'auteur, celui du producteur à nommer. Comment s'appelle-t-il dans des jeux du Cébet ? J'ai noté son nom sur un bout de papier. Dans la petite poche, là. Algirophénol. Oui. Ah non, c'est le nom de mon médicament, ça. Oui, soyez pas ému, Pépé. Alors, son nom finit en un nom pas français, ça va me revenir, enfin. On a tout le temps. C'est secondaire, attendez. Oui. Où en était-je ? Ah, cette émission était mauvaise, exécrable, lamentable, ignoble. Et d'abord à cause de son sujet. On n'a pas le droit en France. On n'a pas le droit en France de parler de ça, c'est dégoûtant. Il y a une belle jeunesse chez nous qui n'a pas besoin d'être pourrie par tout ce qu'on raconte au micro. Il faut le moucher un peu. Ce petit imbécile de choses ou machin là, celui dont je vous parlais tout à l'heure, n'en était pas. Non seulement le texte de son émission était abject, mais les comédiens jouaient d'une manière épouvantable. Il y avait par exemple, il y en avait un qui était mauvais. Très mauvais, très mauvais. Et à la mise en onde, alors, hein. Ah, la mise en onde. Ah ben, je le retiens, le metteur en onde. Ah oui, je l'ai retenu son nom à celui-là. Je le dirai sans crainte, car la critique ne doit reculer. Je veux pas être assis comme ça. Je veux qu'on m'asseye tout contre le micro. Ça va être bientôt fini. Allez, je veux un coussin. Il n'y a aucune raison pour me dire. Voilà. Et je le dirai. Ah, voilà, j'ai moins mal au. Alors, je le dirai sans crainte maintenant, car la critique ne doit reculer devant rien. Je dirai votre nom, monsieur. Monsieur le metteur en onde, votre mise en onde était mauvaise, alors résumons-nous. Oui, c'est ça. Oui, on va résumer. C'est une bonne idée. Votre mise en onde, alors résumons-nous donc. Oui. Le metteur en onde était mauvais, l'auteur mauvais, les comédiens mauvais. Dans ces conditions, je lance un avertissement. Ça y est. C'est la crise. Je lance un avertissement. Laissez-moi. Je lance un avertissement à ceux qui ont programmé cette émission. Prenez garde, je vous attends. Et si jamais j'entends encore une émission de ce genre, même si ça doit faire du tort à ceux que j'énonce, je n'hésiterai pas comme aujourd'hui à le faire. Voilà. Je voudrais de l'eau. C'est fini. J'ai un médicament à prendre. Allez, je voudrais de l'eau. De l'eau normale. Oh, c'est ravissant ces petites flammes. Quoi ? Quelle petite flamme. Ah, ben oui, c'est vrai, patron, regardez, c'était épatant, ça gagne un peu partout. Comment ça allait chez le micro. Puis ça chauffe, ça chauffe, c'est épatant. Ça chauffe bien. Oui, bon, c'est pas tout ça. Mais dites donc, ça n'a pas l'air d'une blague, non? Il doit fumer. Non, mais en vrai, il n'y a pas d'histoire, il y a le feu. Il y a le feu. Qu'est-ce que c'est? Il y a le feu, mon pied. Eh bien, oui, je vois bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, je suis stagiaire, moi, alors? Eh bien, moi, je ne sais pas quoi faire, mais ça fait rien, je suis content, j'ai chaud partout. Oui, bon, allez. Bon, il fout dans le camp. Oui, allez. C'était Feu 314-116, une émission inflammatoire de Pierre Dac, avec sa bande d'enflammés, Jean-Yann, Jean Bardin, René Goscinny, Robert Namias, Claude Dasset, Laurence Riesner et la brûlante Elena Beaucis. Et de qui est la mise à feu? Mais Pierre Arnaud de Chassy-Follet, voyons.